semble qu'il soit trop tôt, que tu ne le saches pas. Tu peux prendre ton temps, je serai là pour toi. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de tracas, pas de peur ni de crainte, car rien ne changera. J'avais cru que le temps me ferait passer tout ça. J'ai pourtant essayé, mais c'est plus fort que moi. Sur un mot, je m'envole, un regard et j'explose. Sur de simples paroles, j'atteins l'apothéose. J'écris ces mots pour toi, mais lorsque tu les chantes, tu t'imprègnes de moi, c'est là que je déjante. Toi, simplement, tendrement, je ne veux juste que toi. Qu'est-ce qui se passe?